Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 5 au 11 décembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Lafourche-Bourret. On entend dire des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Oui, c'est fou. Je confirme. À Trois-Rivières, c'est bien ici, c'est tout petit, mais c'est confortable. Oui. Assez confortable pour écouter 40 pièces en tout, donc 20 francophones et 20 anglophones. Je dis ça, mais on les jouera pas toute la gang. Mettons 35, on va voir. La semaine passée, nos numéros 1 étaient du côté francophone Violette P avec USB. Et du côté anglophone, c'était Nan & Nats avec Huntington. On va avoir quelques nouvelles entrées. J'en compte 6 en tout. Il va y avoir plus tard en anglophone The Bar Brothers, The Jezebels, Ostra, Honey El Khatib et Steve Hill, artiste trifluvien. Et du côté francophone, on a une seule nouvelle position et c'est les Oulala avec Tudose. On va commencer avec ça. Premièrement, merci Marie-Pierre d'être de retour. Mais ça fait plaisir. Je ne pouvais pas. Ah, les gars, je pouvais pas passer à côté de te le dire. Hein? Oh. Hein? Mais je suis sûr que j'ai très bien été remplacée la semaine passée. Par Jasmine Raymond Drainville. Oui. C'est certain, mais en même temps, ce n'était pas la saveur originale. La saveur originale, qui est toi et qui est la meilleure. Hein? Mais des fois, les saveurs autres, ça fait du bien. Ben, de temps en temps. Est-ce que tu es en train de me forcer à dire que j'aurais aimé que tu sois pas là plus souvent? C'est ça que tu veux dire? Non. Je fais juste dire que Jasmine a bien fait la job. Bon. Voilà. Dis de même, ça se prend bien, ça. Bon. Voilà. Mais quand même, merci d'être avec nous et pour toute l'émission cette semaine, c'est ça? Oui. Donc, comme tu disais, on va commencer avec les 20e positions du côté anglophone Steve Hill avec It Ain't Cool sur l'album Whiplash Love. Et du côté francophone, les Oulala avec Tudose. Ça veut dire quoi, Tudose? Je sais pas. On va écouter, voir. Le stress de la vie peut vous faire chez Flan. Faut prendre avec un grain de sel et rester béant. Ta méfie dans le parc, à l'abri des regards. Mais il était trop tard. T'as appris à compter, mais pas dans les cahiers. La seringue et la ceinture, t'es vraiment dépravé. Numéro 20, nouvelle entrée. 19. Nouvelle entrée. C'est terminé. C'était Annie El Kadib avec Build, Destroy, Rebuild. Oui, t'avais pas hâte que ça finisse pour vrai, là. Non, j'aime bien ça, mais oui. C'est juste que la finale était à l'infini. C'est ça, exactement. C'est tout à fait vrai. Donc, c'était la 19e position francophone. Anglophone, pardon. En francophone, on a sauté par-dessus. C'était Monogrenade et Obsolète. Ça descendait de 2 places. 7e semaine de présence. Ça va se terminer bientôt, cette pièce, mais elle ne sera jamais obsolète parce qu'elle sera toujours bonne. Mais à un moment donné, on passe à autre chose. Peut-être une autre pièce de Monogrenade. Peut-être bien. Alors, ça, c'est les 20e places. 2 autres nouveautés en anglo, c'était Steve Hill avec Elaine Cool sur l'album Whiplash Love. Et du côté francophone, c'était les Oulala avec Tu Doses. On s'entend que c'est une affaire de drogue, je pense. Non, Tu Doses, ta drogue. Ça très bien. Je sais pas. Il nous reste un autre bloc de nouvelles entrées. On va sauter complètement par-dessus les positions 18 et 17 francophones parce qu'elles ne sont pas nouvelles. En 18e, on aura entendu les Vigueurs Machin avec Et même si. Et en 17e, on aura entendu Brady Cardi avec la chanson Et si mon cœur. À la place, on va entendre les 18e et 17e positions anglophones. Tout à l'heure, il y aura The Jezebels avec Endless Summer. Mais tout de suite, on va entendre Ostra avec The Choke. Oui, The Choke, c'est, je crois, c'est le 3e, 4e extrait de Ostra, quelque chose de même. Oui, ça en fait plusieurs, c'est minimum 3, là. Ouais, on aime ça, donc Ostra, The Choke, à l'instant même, au 89 FM. C'est un condensé de la meilleure musique que c'est pas à vous offrir. Pourquoi tu... Mais tu sais, un choker de colletier, je sais pas si ça a rapport avec ça. Ah, OK, je pense que tu voulais que j'arrête de parler. Comme, tu sais, dans les dessins animés, t'as tout le temps une canne autour du cou, tu sais. La canne qui vient tirer sur le bonhomme, sur une salle... Ça peut être ça aussi, c'est comme tu veux. Bon. Pas fine avec moi, toi. Hey. Peux-tu être absente une autre fois? C'est toi qui vas être absent. Oh! Colin, hey, je pensais pas qu'elle me tuerait. Love. Waiting for your never-ending wait. The Jezebels et Endless Summer sur l'album Prisoner. Wow, c'était bon ça? Oui. Et juste avant, c'était Ostra avec The Choke. Hey, je vais voir qu'il nous reste une autre nouvelle entrée. Oui. On aurait pu la faire jouer tout de suite à la place de revenir. Ça a été, oui. Ça a été parfait. Ça a été mais là, c'est l'arrivée de Justine oui. qui nous a distrait. C'est ça, on voulait lui parler. Justine! Coucou! Ça va? Ben oui, toi, Mathieu. Oui, l'émission a commencé depuis 20 minutes environ, hein, juste pour que tu saches. Là, je sais que l'autre fois, tu étais toute confuse sur l'heure du début de l'émission. Oui, mais je suis toujours aussi confuse, mais cette fois-ci, je pense que ça a marché. Là. J'ai regardé l'heure de la diffusion, je vous ai écouté, puis ça fitait tout dans ma tête. Wow, hein? J'étais encore confuse pour la dernière fois, mais là, cette fois-ci, ça a marché. C'est correct. Et un voilà. jour, cette confusion-là va partir. Non, je suis sûre que non. Je vais partir dans la tombe avec ce secret-là qui était... l'émission du v'là deux semaines. Ouais. En passant, est-ce que tu me vois bien? Je te vois super bien avec la belle lampe d'Hydro-Québec. Là, tu sais, les annonces d'Hydro-Québec, là, l'évolution des lampes. Ah, oui. Truc, ça devait être la première. C'est la lampe des films d'histoire de jouets aussi. Oui, Pixar. Là. Oui, Pixar. Ouais. Mais c'est ça. Et brune, par exemple. Ouais. Mais en fait, non, je parlais pas de la lampe, je parlais de ton toupette qui pousse sans cesse. Ouais, mais ça, les gens à la maison, ils voient pas. Ou dans non, le retour, non, mais on pourrait poster une superbe photo. En fait, si j'étais chanceux, tout à l'heure, on va simuler que je le fais en ce moment, mais mon iPhone 3 est tellement lent que ça va prendre 10 ans à le faire. Mais je vais prendre une photo de ce que je vois devant moi. Et je vais mettre ça sur le Facebook tout à l'heure. Hey, tabarouette. Ça va être beau, hein? Ben, tu verras pas grand-chose. Ben, comme toi. C'est pas mal une forêt de micros et de cheveux là, en ce moment. Ah, attends, hey, dis-moi pas que mon iPhone s'est rendu à temps pour qu'on en parle. Ah, okay. Wow. Directement devant moi. Attention. Souris, mais c'est pas grave, on le voit pas ton sourire, t'sais. Tellement. Ah, wow! Souris avec les yeux, Justine. Souris les yeux! Ah, c'est chouette. Parfait, merci, Justine. Ah, bon, ça me prend de la concentration. Hein. Pendant ce temps-là, je parlais plus, je respirais plus, je bougeais plus. Mon métabolisme s'est arrêté. Ouais, je sais pas, merci pour le bonbon d'ailleurs. Moi aussi, j'ai de la misère à faire deux choses en même temps. Sucer un bonbon. Hein? Ouais, c'est difficile de sucer puis faire d'autres choses en oui, même temps. Oui, tout à fait, exactement. C'est ce qu'on dit tous. Là. Ouais. Est-ce qu'on va entendre d'autres chansons? Là? OK. On était rendu à quelle position, Marie-Pierre? On était rendu à la position 16. Oui! 16e position francophone, c'est Bravo Funken avec Cœur Rubik. C'est stable en passant, c'est la 11e mm-hmm. semaine. Incroyable qu'une chanson dure 11 semaines, on aime ça. Quand c'est une bonne chanson, pourquoi pas, tu sais? Mm-hmm. Bon. Après ça, il y aura une dernière nouvelle entrée pour cette semaine, c'est The Bar Brothers et Give the Devil Back His Heart. Je les avais vus, eux, en spectacle. Ils étaient en spectacle avec Patrick Watson et Timber l'était ben, passé dans le parc de la Mauricie. C'était pas un spectacle de groupe individuel, c'était vraiment un jam session, ouais. Je pense. Hein, c'est ça. Ouais. Cette histoire-là. J'en ai entendu parler. Bon. J'en ai entendu parler. Super! Ça l'était. Ça apporte vraiment à la conversation. Vraiment beaucoup. Là. Ça l'enrichit, là. Ça meuble, ça fait tous les temps. Ouais. En tout cas, si vous avez la chance d'aller les voir, je pense que ça vaut la peine. Bon conseil. Je sais pas s'ils viennent à Trois-Rivières ou dans le coin, mais... Est-ce qu'on regarde pendant la pièce? S'ils viennent à Trois-Rivières oui. un jour. OK. Mais on commence avec Bravo Funken, Cœur Rubik. Tout de suite au 89 FM, c'est les palmarès fous. Et après ça, ben les tartines de Justine, etc. Là, le toupette dans le toupette. Là. Yes, sir. J'aimerais tellement être la mèche du milieu, la tresse dans tes cheveux. Je glisse sur tes cils pour voir dans tes yeux les couleurs de ton bleu. Tu bats des paupières, ça m'envoie en l'air. J'aimerais comprendre ton tonnerre thoracique. T'aurais à prendre ton cœur rubique. êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Numéro 16. Yeah.

numéro 15. Let's start a war for the kids. A purpose for which to unite. Make them some words they can mince. What they don't know, they won't mind. Find them a foe for the fight. And stories to tell as they age. Then maybe time will decide which ones keep and which ones fade. There's the deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every fire to burn. Burn all the letters I wrote. Write me a list of concern. If we are at peace, if we are at peace, I want to know. There's the deepest sleep. Dan Mangan et Post-War Blues en position numéro 15, ça monte de 4 places, c'était nouveau la semaine passée. En 15e francophone, c'était Malajub et Ibuprofène. C'est la fin de la première heure, on se retrouve tantôt avec plein de bonnes musiques, entre autres en anglo, Ox, Feist, Sonny Pompey. Du côté francophone, il va y avoir entre autres Marc Derry, Carquois et Funambule. Il y aura aussi des meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Ah, oh, Justine va avoir manqué ça. Ben oui, mais pour c'est... Elle. C'est elle, puis c'est rendez-vous le jour des palmarès, c'est là une semaine sur deux, après pour les matériaux. Et même quand t'as tout ça. Hein? Hein? Hein? Bon, restez là! Vous êtes assez fous pour l'écouter. Ça être vraiment beau à voir nos concours de lip-sync sur les fins de blocs publicitaires. Deuxièmement, des palmarès c'est fou pour la semaine du 5 au 11 décembre 2011. C'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oh oui! Et, deuxième heure qui va comprendre les meilleurs moments d'assemblage requis. Donc ça, ça s'en vient après le prochain bloc. Ça va être magique. T'es dedans. Je sais. Ah! T'es dedans, à quelque part. OK. OK? Non, pense au moment drôle là, qu'on a eu ensemble. Là. Ce matin. Ce matin, là. C'est quand j'étais pas encore réveillée. C'est ça. Oui, ta collègue à 7h30 ce matin. D'habitude, t'es le mardi à 8h30, donc c'est très, très plus tard. Là. Oui. On s'entend. Ouf. Pas longue facile. Journée, pas là. Facile. C'était t'es levé depuis quelle heure? Ah, oh, tu veux même pas le savoir. Non. Mais quand même plus tard que toi. D'ailleurs, ça parle de ton heure de lever, je crois, ton meilleur moment, si je me rappelle bien. Oh. Je l'ai fait, mais je me rappelle plus. Donc, position numéro 14 du côté anglophone, il y aura Sonny Pompey avec The Death of Death. Ça descend de 10 places. Ça n'a pas monté si haut que ça. Et puis, ça redescend comme ça rapidement. Pas une bonne nouvelle pour Sonny Pompey. Ça. Du côté francophone, ce sera Carquois avec la chanson La Vague perdue, qui est un single tout nouveau dans le palmarès depuis la semaine passée. Exactement. Semaine passée où tu n'étais pas là, donc tu ne l'as pas encore entendu. Oui, et j'ai très hâte parce que j'aime beaucoup Carquois. C'est sur la trame sonore de La Peur de l'eau, le nouveau film qui sort en février 2012. Mm-hmm. Tout à l'instant, au palmarès, c'est fou. C'est pas le fin FM. numéro 14. The Death of Death par Sonny Pompey sur l'album Breakfast of Champignons. Oh oui. J'adore ça. Ça descend de la 4e place, c'est en 14e position anglophone. En 14e position francophone, c'était Carquois avec la chanson La Vague Perdue. Tu viens de me surprendre avec le nom de l'album de Sonny Pompey. Tout le monde adore ce titre. Je pensais que tu avais fait une traduction, mais non, c'est vraiment Breakfast of Champignons. Et comme tout le monde dit, ça devrait être le nom du groupe à la place. Parce que Sonny Pompey, je trouve ça plate. C'est pas pire, c'est Breakfast of Champignons. Ouais, c'est ça. toujours au palmarès, c'est fou. Avant de passer aux prochaines places, c'est-à-dire Funambule et quoi d'autre? Face,

Donc voilà, Assemblage Requis, allez voir sur assemblagerequis.com pour télécharger les balado-diffusions de l'émission à tous les jours et écoutez-nous en ondes sur la radio, etc. Et puis il y a les meilleurs moments aussi d'Assemblage Requis et du Dîner de cons. Ça se passe les vendredis matins entre 6h et 10h et les samedis entre midi et 16h. Donc un condensé de chacune des meilleures chroniques, dont sûrement la tienne peut-être, dépendant des semaines. Hein. Faut varier des fois. Okay. Ça arrive. Sache-le. Ah ben celui-là, aux deux semaines. C'est vrai. Voilà, tout à fait. Et pendant les fêtes, il y aura d'autres sortes de meilleurs moments dans les émissions dans l'Assemblage Requis, dans les cases horaires du matin. Et puis, tu y figures dans une émission Girl Power. Hop! Oh. Avec des chroniques de toi, Jasmine, Stéphanie, je crois. Et puis, qui d'autre? Hey, je me sens Myriam. Tout d'un coup comme une Spice Girl. T'es une Spice Girl. Moi, je suis Mel B. Ah oui? Ben, ah, oui, j'ai les cheveux frisés, elle aussi. Vrai? Donc, tout à fait. Ouais. Oui. Moi et Mel B, même personne. Ah, on vous a jamais vu ensemble, donc on peut pas prouver que vous êtes pas la même personne. Non, c'est ça. Alors, on est rendu aux positions numéro 13 du côté anglophone. Il y aura Feist avec The Bad in Each Other. Ça descend de 4 places. Et du côté anglophone, c'est Funambule avec la chanson Tel un naufrage. Vous écoutez un condensé de la meilleure musique que Cifo a à vous offrir. C'est les Palmarès, c'est fou. Ouais. Palmarès, c'est fou. Pas mal ça. Pas mal ça. Quand j'y pense, ça a bien du sens comme slogan. Tu me demandes si c'est calme comme ça, j'en ai aucune idée, parce que c'est pas cette pièce-là. C'est celle-là ici. Ah, une chance que j'ai dit ça. Une chance que t'es là. Hein? Et qu'est-ce que je ferais sans toi? L'émission de ma... Je n'irai pas ce mot-là. De Mathieu. Ah! Hey, t'es pas fine avec moi, mais en même temps, c'est vraiment un bon jeu de mots. Fait que je te l'accorde, un point. Bravo. Thank you. Feist et The Bad in Each Other, position numéro 13, ça descend de 4 places sur l'album Metals. Juste avant, c'était Funambule avec Tel un naufrage en 13e position francophone. Voilà, on est rendu aux 12e places. Du côté anglophone, il y aura Ox. En fait, on fait un bloc 3 quarts, comme on aime le faire. Tout à l'heure, donc, il y aura The Perms et Ox. On va sauter par-dessus Peter, mais on va débuter avec la position numéro 12 francophone. La position numéro 12 francophone, c'est Marc Derry avec L'Astroblème. Moi, j'ai essayé de résumer ça en une phrase, puis c'était comme un échec total. On vous la réexpliquera après, la passe du 3 quarts. OK? Ma tête explose. Regardez-moi ce ciel. On n'a rien vu de si beau. Depuis facilement l'année zéro. La terre est encore belle. Encore pleine de gouttes d'eau. Il ne nous manque rien. Il y a tout ce qu'il faut. Quand il dort, il y a un nouveau soleil, une autre constellation, il y a plein de nouvelles idées qui s'éveillent.

The Perms et la pièce High School High, stable en position numéro 11 anglophone. C'est la troisième semaine pour cette pièce sur l'album Sophia Nights. Oui, et juste avant, on a entendu Ox avec Indie Rock Radio Nation. Et juste avant, en 12e francophone, c'était Marc Derry avec L'Astroblème. On a sauté par-dessus du côté... qu'est-ce qu'on a sauté? Oui, on a sauté la 11e position francophone, c'est oui, ça? Oui, c'était Peter Peter avec Rien ne nous rassemble. Est-ce que tu l'avais dit? Non, je ne l'avais pas dit. D'accord, parce que des fois, quand je fais ça, je répète ce que la personne vient juste de dire avant. Non. Quand je cherche mes affaires par où tu parles. Ça ressemble à ça, une émission de Mathieu Plante, tu l'as dit. Je fais jouer des numéros de pièces par-dessus les pièces. C'est le fun. Numéro, puis ça arrête de parler. C'est bien le fun. Si tu l'avais pas dit, personne n'aurait remarqué. Je sais, mais souligner la transparence, qu'on appelle. Éthique journalistique. Oh. Bon. N'importe quoi. On est rendu pour sur numéro 9. Du côté anglophone, ce sera Bruce Peninsula avec Chupacabra qui monte d'une place. Et du côté anglophone, non, c'est pas vri, du côté francophone, en 9e position, c'est Mauve avec la chanson Annie Hall. Oui, Annie Hall, Mauve, sort de fleurs. Hein. Et non de couleur. On l'a appris grâce à Jasmine la semaine passée. Ah? C'est bien, hein? Je le savais pas. Ben, ils en parlent dans une de leurs autres pièces, mais qui n'est pas dans le palmarès, cette pièce-là. Peut-être un jour... ou peut-être pas, on verra, parce que celle-là pourrait durer longtemps, elle est excellente. Donc Annie Hall, tout de suite, 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. J'ai rencontré Annie Hall. numéro 9. Peninsula. Et la pièce Chupacabra, position numéro 9, ça monte d'une place. C'est comme si j'avais vraiment pratiqué la fin de cette pièce-là pour avoir exactement le bon beat de voix. C'était beau, c'était beau! C'était beau, Mathieu. Mais... Et en 9e position francophone, c'était Mauve avec la chanson Annie Hall. Oui, ah, Annie Hall. Hein. Un classique, ça. Ça se démonera jamais. Ça, c'est toujours super bon. Ça aurait pu être numéro 1 10 semaines de suite, mais finalement, ça l'a été, je crois, 2 semaines de suite. Quand même. Quand même. Donc, on va être rendu aux positions numéro 8 du côté anglophone. Ce sera The Decemberists avec une pièce de leur album Long Live the King. C'est E. Watson. Ça monte de 10 places et c'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, c'est Benoît Rochelot avec Viens-t'en. Et là, prends ton pack-sac qu'on s'en va au parc. Il parle pas de même dans la chanson. Il parle mieux un peu. En fait, il parle pas très bien, mais c'est son style. C'est voulu, là, tu sais. OK. On l'écoute? Oui. Benoît Rochelot, palmarès, c'est fou. 89 FM. Sac, on s'en va au parc. J'ai la couverte, puis mon carnet. Prends une bouteille, puis une pomme chaque. Viens-t'en, on s'en va au parc. Dis-moi pas que ça t'entend pas. Coming in, folks were lining out in all directions. Me and Hood and Henry Short were pitching on the skiff, trying to make it home before the night. The gray waves were rolling, bowled the brave, brave ocean and rolled us suckers in. I don't keep to goings on, I tend to stick with kin. But Watson had an inn from the beginning. Built that house on Chatham Bend, a whitewashed knotted pine. 90 acres furrowed for the cane. He drove it down from Georgia. His dad a martyred soldier in the war. Lord, bring down the flood. Wash away the blood. Drown these Everglades and put us in our place. We laid Edgar Watson in his grave.

Library Voices et Generation N Clap, lancé numéro 2, maintenant 7e place anglophone. Et en... Là, c'est compliqué. Et en 8e place 7e francophone. Place francophone. On a sauté par-dessus. Galaxy. Mais juste avant, en 8e place francophone, c'était Benoît Rochelot avec Vient-en. Oui, on a eu aussi en 8e place anglophone de December. C'est E. Watson qui montait de 10 places, qui était nouvelle la semaine passée. Exactement. C'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve tantôt. Il va y avoir, entre autres, là-dedans, du Salomé Leclerc, Papa Folle, les Cowboys Fringants. Et du côté anglophone, Tom Waits, Los Campesinos et Nan and Naps. Au palmarès, c'est fou. Restez avec nous. Vous êtes assez fou. C'est la troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 5 au 11 décembre 2011. C'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, dernière heure et qui comprend le top 6 des meilleures pièces en ce moment. Oui. Hein? On va être rendu au position numéro 6, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le top 6. Ça commence par le 6. Du côté anglophone, il y aura Duchess 16 avec... Non, on saute par-dessus Duchess 16 avec Time to Reiterate. Ça descend d'une place. Et du côté francophone, c'est Propofol avec la chanson Il pleut. On écoute ça, Drella, là? Drella, là. Drilling. Ah. Wow, ça foutait bien que la fin du thème. Puis, c'est comme super. Il pleut dans notre appartement. C'est les paroles. Ça n'a aucun sens, mais c'est très, très bon. Un peu comme l'émission, hein? Les palmarès, c'est fou. Ça dépend si tu as un vieil appartement. Il peut pleuvoir dans un vieil appartement. T'essaies de faire du sens avec tout ça. Il n'y en a pas de sens. Arrête d'essayer d'analyser. D'accord. J'arrête. Madame la littéraire. numéro 5. T'as qu'à ne pas te tourner, tu me verras jamais ramper. Pas voir les morsures à mon cou. Va déposer les armes au fond des bois. Surtout ne reviens pas. Tom Waits avec la pièce Chicago. Tout va aller mieux à Chicago. Et juste avant, c'était Il pleut avec Propofol et Salomé Leclerc avec Ne reviens pas. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. En avant cinquième position. Oui, avant de continuer avec les prochaines positions, c'est-à-dire, donc, si je comprends bien, les quatrièmes. Hein, c'est ça, quatrième, oui. Oui. On va regarder ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, Marie-Pierre. Oui. Oui. Je vais commencer par, en fait... Je vais commencer. Tu vas commencer, mais avant ça, avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, c'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 loud et le top 10 électronique. Bon. Donc, moi, je vais faire les nouvelles entrées dans le top 30 des CD. Tu vas t'occuper du top 3, ça te va? Exactement. Donc, nouvelle entrée en 30e place, Caveman avec Coco Beware. Eh bien, Caveman, j'ai entendu parler. On va peut-être l'avoir dans le top 20 un jour et pouvoir l'entendre. Ou sinon, on essaiera de l'écouter à un moment donné. Bon, c'est ça que ça veut dire. Position numéro 20, Steve Hill avec Whiplash Love. En 19e, Annie El Khatib avec Will the Guns Come Out. Ensuite, en 17e place, The Jezebels avec Prisoner. Et en 16e, The Bar Brothers avec leur album homonyme. En passant, ces quatre derniers que je viens de vous mentionner sont aussi dans le top 20. Oui, ça concorde, hein? Même les autres numéros, il y en a beaucoup qui sont dans les palmarès. Ben, c'est à peu près ça d'habitude. Ouais. Le top 30, c'est pas mal le top 20 plus 10 affaires qui vont soit être bientôt dans le top 20 ou qui l'ont déjà été dans le passé. Ouais. Donc, top 3. Le top 3, en troisième position, c'est Los Campesinos avec le titre de l'album, c'est Hello Sadness. En deuxième position, c'est The Pack 80 avec leur disque Unpersons. Et en première position, c'est Jane's Addiction avec The Great Escape Artist. Du côté du top 3 des disques canadiens, ben c'est pas mal. Non, en fait, d'habitude, c'est la même chose, mais ça varie cette fois-ci. En troisième, c'est Dutch 16 avec In a Funk Day Tea. En deuxième, l'ancien numéro 1, Nans and Nat avec The Right Words. Et en première, c'est The Pack 80 avec Unpersons. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de top d'artistes canadiens. Pas canadiens dans le top 30 des CD, c'est ce que ça veut dire. Côté top 10 électronique, maintenant, je vais faire la seule et unique nouvelle entrée. En quatrième place, c'est Nautic Nastic avec Full Screen. En troisième, c'est... C'est toi qui l'as demandé. 65 Days of Static avec leur album Silent Running. En deuxième, c'est The Golden Filter avec Syndromes. Et en première, c'est M83 avec Hurry Up, We're Dreaming. Dans le top 10 loud maintenant, 10e position, nouvelle entrée pour Five Finger Death Punch avec American Capitalist. En 7e, c'est Gross Misconduct avec The Disconnect. Et en 6e, c'est Carnifex avec Until I Feel Nothing. En 3e loud, c'est The Devil's Blood avec The Thousandfold Epicenter EP. En 2e, c'est Forbidden Dimension avec The Golden Age of Lasers. Et en 1e, c'est Crisium avec The Great Execution. Voilà. En même temps, c'est le top 10 loud, on aurait pu dire c'est Scooby-Doo avec What I Like About You, puis on aurait pu dire n'importe quoi, puis ça aurait futé parce que c'est des affaires qu'on connaît pas. T'sais. On pourrait dire c'est n'importe quoi. Mais il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent. C'est sûr qu'il y a plusieurs auditeurs qui les connaissent. C'est pour ça qu'on fait exprès pour bien prononcer chaque mot de chaque top, parce qu'ils sont tous aussi importants. Même si nous, Scooby-Doo pourrait être un très bon article, très bon artiste de loud, mais à ce que je sache, il fait juste des Oui, mais le plus petit Scooby-Doo, Scrabidoo, lui parle. Tout à fait, Scrabidoo parle. Et mange des Scooby Snacks, j'imagine, autant que Scooby-Doo. Hein? Parce que je sais pas pourquoi Scooby-Doo mange des Scooby Snacks. T'sais. Est-ce que les biscuits sont faits exprès juste pour lui? Je sais pas. Faits aussi pour son ami humain là, qui en mange lui aussi, je crois. Shaggy. Oui, exactement. Et, on a-tu les références? Hein? On les a. On était rendu aux positions numéro 4 du côté anglophone, Nans and Nat avec l'ancien numéro 1, Huntington. Et du côté francophone, c'est les Cowboys Fringants avec Has-Been. On écoute ça dans les palmarès. Au 89.1 FM. Mais nous autres, on est toujours en vie. On n'est plus la saveur du mois. Puis c'est vrai qu'on a pris du poids depuis qu'on joue des soupes et spaghettis. Est-ce que tu veux

Huntington de Nans and Nat. C'est écœurant, c'est bon, c'est bon. Position numéro 4, lancé numéro 1. Et juste avant, c'était Has-Been avec les Cowboys. Has-Been des Cowboys Fringants. Oui. T'es pas en train de traiter les Cowboys Fringants d'Has-Been, toi, là, non, là, là, là. Jamais. Mais avoue qu'un nom de groupe, tu sais, les Has-Been, là, comme... Tu deviens jamais Has-Been, tu l'as toujours été. Ben, c'est ça l'affaire. Et donc, c'était en quatrième position et la semaine passée, c'était en deuxième position. Donc, doucement, ça s'en va vers le bas. Petite légère chute. C'est comme plus une genre d'affaire. Tu t'en fais dans ton pied. C'est comme poum. Est-ce que tu fais ça des fois? Poum. Oui. Ouais. T'es gêné, t'as honte, hein? Non, mais j'ai gaffé des souliers comme ça. Tu sais, tu t'accroches sur un bout de béton, là, ouais. Ça te scrape tes souliers. Ben, voilà. C'est ça. Ou tu marches dans de l'asphalte fraîchement faite ou sur un trottoir. Tu sais, c'est marqué, il marche pas là, mais tu vas pareil. T'sais. Expérience vécue? Ouais, peut-être. Donc, toujours par le reste, c'est fou. On va être rendu aux positions numéro 3. Du côté anglophone, ça monte de 17 places. Oui, oui, vous avez bien compris, entendu et tout, etc., etc. Las Campesinos avec By Your Hand, deuxième semaine de présence, directement en position numéro 3. En troisième franco, c'est Cœur de Pirate avec Adieu. Cœur de Pirate? Oui. Cœur de Pirate? Bird Peanut? Non? J'ai entendu ça cette semaine, tout le monde dit ça. Bird Peanut? Il y avait... Je sais pas, moi, j'étais où cette semaine, parce que j'ai pas entendu ça. Ben, je pense que t'étais pas là la semaine passée au palmarès. C'est pour ça que tu manques des blagues, des insights. Des blagues de beurre de peanut. Tu manques plein d'affaires en n'étant pas là, Marie-Pierre. Tu manques des blagues de beurre de peanut. J'espère, les auditeurs, que vous étiez là la semaine passée, parce que sinon, comme moi, vous comprenez rien. Ouais, parce que c'est vraiment difficile à comprendre. Hein? Hein, beurre de peanut, cœur de pirate, c'est quoi l'affaire? Est-ce qu'il y a d'autres affaires comme ça drôles qu'on pourrait faire sur Cœur de pirate? Ben, on pourrait aller écouter. Wow, hein? Tu m'as coupé ça directement. Ben, parfait. Écoute-la donc, la toune, mais écoute-la donc seule, puis m'en va, puis tu m'as brisé mon cœur, pirate. Mon beurre de peanut. Tu m'as brisé mon beurre de peanut. Tu vis si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise, qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, l'amour le manque la tournée, et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'as. Ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Me laisse de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien. Numéro 3. Me. top deck of the 178, spitting cusses at my face, reflected in the windscreen pane, throwing insults and calling names. Filthy SMSs that you send through the day, by sundown become tame. So I set it in motion again. The fate's a cruel mistress girl, the prettiest in the world. She dresses loosely in a bathrobe with her hair up in curls, 'cause we were kissing for hours with her hands in my trousers. She could not contain herself, suggest we go back to her house. Here it comes, this is the crux. She vomits down my rental tux. If it's love anymore, but I've been thinking of you fondly for sure. Remember what your heart is for. C'était Los Campesinos avec By Your Hand en troisième position anglophone et juste avant en troisième position francophone Cœur de Pirate avec la chanson Adieu. Oh. Et je tiens à préciser que le micro de Mathieu est brisé. Ben oui. Ben si vous écoutez, c'est fou régulièrement cette année. On dirait que ça arrive plus qu'avant. On dirait que c'est l'époque de les micros tombent. Tu sais, c'est l'hiver. Hein, comme les feuilles. Ben là. Plus la neige l'hiver, mais bon, si tu trouves que des feuilles tombent l'hiver... Non, mais l'automne, la fin de l'automne, ah ouais. Les feuilles sont tombées, c'est la neige. C'est vrai que l'hiver commence plus tard qu'on le pense. En fait, tout le monde sait à quelle date commence l'hiver. Bien sûr, c'est le 21 décembre. Mois de décembre. Oh. Ah, oui, c'est vrai. Mais il fait froid avant, hein? Oui. C'est ça. Ça veut rien dire, tout ça. Mathieu est décontenancé par la perte de son micro. Oui, ben j'ai l'air vraiment inconfortable en ce moment. Et là, je parle, puis je dis des affaires dont outrante, là, puis les vulgarités s'enchaînent, là. On est rendu au position numéro 2. Du côté anglophone, ce sera The Pack AD avec Siren. Ça monte de 4 places. Et en deuxième francophone, c'est Violette P avec USB. C'est presque la fin c'est de l'émission. C'est l'ancien numéro 1. Ah, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Et du côté anglophone, le numéro 1, on l'a dit, est rendu en quatrième place. Donc, c'est Nines and Nat avec Huntington. Et ça veut dire que cette semaine, on a deux nouveaux numéros 1. Ooh. C'est Fourette, débile et autres mots là, comme ça qui veulent dire fou et qu'on a utilisé à profusion dans toutes nos identifications de stations depuis les 15 dernières années presque. À un moment donné, tu commences à manquer de synonymes pour fou. Ça fout à terre. Oui, dans est-ce oui. qu'on va écouter la chanson, Mathieu? Oui, on va peser pas mal tout de suite sur le bouton. Allez. Parce que je trouve que ça mène nulle part, cette affaire-là.

C'était The Pack AD avec la chanson Sirens en deuxième position anglophone. Et en franco, c'était Violette P avec l'ancien numéro 1 USB sur leur maxi Violette P. Exactement. Puis c'était ça qui était ça. Oui. T'es bon? T'es bon. Elle reste seulement le numéro 1. Hey, à chaque semaine, j'oublie que c'est le moment de faire les jeux de mots de poche. Hein? T'as hâte, hein? J'ai si hâte. T'as hâte. T'es comme fou d'une poche. Ça? Fou d'une poche. C'est pas ça l'expression qu'on utilise, hein? Un chat d'une poche. Un chat d'une poche. Parce qu'il y en a affaire qu'une poche. OK. C'est dans laquelle, bien. Dans laquelle tu aurais inséré un montant d'argent en pièces d'or. Poche pleine d'or. Tu vois, genre? J'aimerais beaucoup avoir de l'or dans mes poches, c'est mais... ça. Et si tu pouvais, si tu avais un plancher, mettons, un petit peu désintégré, tu pourrais me lancer des dalles. Dalles, c'est pas ça des dalles? Une dalle, c'est comme une... dans un plancher. Ouais. C'est à peu près ça, mettons. Mm-hmm. Mettons. Comme, tu sais, en haut de la terre. C'est en dessous de la terre, t'as de la terre, mettons. Qu'est-ce que t'as en dessous de la terre? Je sais pas, mes jeux de mots sont pas... Je sais, mais je suis pas dedans. Je suis pas est-ce que t'essaies de trouver un jeu de mots pour... Ah. Underground. Je pensais que tu voulais trouver un jeu de mots pour Our Chuck, puis je te trouvais non, j'ai bien des talents, là, mais trouver un jeu de mots avec Our Chuck, non, c'est pas quelque chose que j'ai, non. J'ai beau être vraiment amateur de jeux de mots, je suis comme un petit peu comme un junkie de jeux de mots. Je suis comme accro. OK. Addiction, Jane's Addiction. Oui. Hey Mathieu, ouais. Je te lance un défi pour la semaine prochaine. Donc, de me trouver un jeu de mots avec les Dales Our Chuck. Au complet. Est-ce que tu acceptes mon défi? Je l'accepte. Est-ce que je vais me rappeler ce défi? Non, mais je l'accepte par contre. Tu peux t'envoyer des messages à tous les jours pour te le rappeler. Ouais. Si est-ce que ça veut dire que tu seras pas là au palmarès la semaine prochaine ou tu vas être là? Je vais être là. Tu vas être là! Caroline, la semaine prochaine, on va être quelle date? On va être le. En décembre. Ouais, en décembre, à la mi-décembre. Et puis après ça, ben, le 22 décembre, ce sera notre spécial fin d'année avec le top 40 de l'année au grand complet. Oui. Donc tu vas être là pour les deux dernières émissions de l'année. Exactement. Pas prêt, par contre! Indice? C'est un indice. C'est un indice à Noël, je serai pas là. Non, c'est ça. Puis en janvier non plus. Non. On en reparlera. Hey, c'est triste, la musique est finie. Puis là, je suis comme, on finit sur une mauvaise note. Est-ce qu'on va écouter les numéros 1? Oui. Et elle commence en chantant, fait qu'on arrête de parler là. Je veux avoir les poches pleines, les poches pleines. Première position. me suis léché les doigts après avoir mangé des chips et après avoir touché à plein de choses dans le studio. C'est pas mon meilleur moment de la journée, là. Non. Mais par contre, les numéros 1 l'étaient. Oui. Oui, ça c'était un très très bon blog de numéro 1. Avant de dire les numéros 1, on va faire un petit récapitulatif. De chaque côté, de quel bord tu veux Anglophone. Anglophone, d'accord. Donc, je vais commencer par le franco, ça va? Vas-y. En troisième, on retrouve Cœur de Pirate avec Adieu qui monte de 2 places. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1 Violette P avec USB. En première, ça monte de 10. Poche pleine d'or des Delaware Chuck. Le jeu de mots sera la semaine prochaine si c'est toujours en première position. Si ça a changé, oui. Peut-être que je... Non, même si c'est pas en première position, je veux un jeu de mots à la Mathieu sur les Delaware Chuck. Je ne m'en sauverai pas. Non. Et en troisième position anglophone, c'était Los Campesinos avec By Your Hands, qui avait monté de 17 positions, rien de moins. En deuxième, c'est The Pack Eddie avec Sirens. Et en première, c'est James Addiction avec Underground. Merveilleux! On va se quitter avec deux pièces qu'on a sautées plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire Galaxy, avec leur extrait Shanghai, qui est en position numéro 7. Et avant ça, il y aura la pièce Time to Reiterate de Dutch 16. C'est avec ça qu'on va se quitter, ou du moins... C'était la sixième position. C'était en sixième position, parfait. Donc, du moins... au moins une partie de ces extraits dépendant d'où vous nous écoutez. T'sais, on dit toujours, ça dépend si ça donne. Si ça donne, si ça rentre dans le temps. Donc ça veut dire que c'est la fin de l'émission pour cette semaine. Et on va se retrouver jeudi prochain, pardon, entre 14h et 17h. Où on cherchait nos affaires. Hein, c'est quoi, quel jour qu'on est? Jeudi entre 14h et 17h, c'est en direct. Ce qui est après nous, c'est la sécheuse. Et après ça, c'est Mathieu Leblanc-Houle avec son émission La Spirale. Plus tard en soirée, il y aura Sky Panka à 19h. Et à 22h, ce sera le lobby avec de la musique électronique. On repasse les vendredis soirs à 17h. Ce qui, après nous, c'est l'Hilton de l'Enfer. Vraiment, là, ça achève pour l'Hilton de l'Enfer. C'est une de leurs dernières émissions. Donc, profitez-en à fond. Et on repasse pour terminer le lundi entre 13h et 16h. Après nous, c'est les Ladies du Boudoir. Voilà. À la semaine prochaine, Marie-Pierre. Bonne semaine. Bonne semaine. Et puis, t'es là la semaine prochaine? Oui. Donc, pas de roulette chanceuse de qui va animer avec nous. Pas de surprise. Tu seras là avec ta bonne humeur. Ah oui. Et ton regard qui me désapprouve à chaque fois que je fais un mauvais jeu de mots. Bonne semaine tout le monde. Bye. se lève sur Montréal, se couche sur Chine.